Piste 7. 5. B. 1. Bonsoir. Pouvez-vous me donner la clé de la chambre de Monsieur Lambert ? La chambre 12, s'il vous plaît. 2. Bonjour. Je suis Monsieur Maubousse. S'il vous plaît, la clé numéro 6. 3. Bonjour. Je suis Monsieur Boulet et j'occupe la chambre 2. Vous me donnez ma clé, s'il vous plaît. 4. Bonsoir. Vous pouvez me donner la clé de la chambre numéro 10, s'il vous plaît. Je suis Mademoiselle Serrano. 5. Bonsoir. La clé des Jaffrés, s'il vous plaît. La clé numéro 9. 6. Bonjour. Vous allez bien? Je suis dans la chambre 11, Madame Lopez. Je peux avoir ma clé, s'il vous plaît? 7. Bonsoir, je crois que j'ai la chambre 7. Madame Évrard, oui, c'est ça, la 7. 8. Bonsoir, la clé numéro 4, c'est pour moi, Madame Morin.